tellement bizarre qu'il ose dire je n'aime pas la guerre. Il va jusqu'à prendre pour assassins les militaires. Il ne mange que des fruits, du blé, des graines et des légumes. Il ne boit que de l'eau, à la rigueur du jus d'agrumes. Il n'a jamais connu le plaisir divin délicieux d'approcher de phalanges aux lèvres et d'aspirer le feu. De gicler la fumée par les narines, il connaît pas tout ce qu'il a goûté, des cigarettes en chocolat. Il est tellement taré qu'il va jusqu'à critiquer l'armée, la société, l'église et l'humanité. Personne ne sait ce qu'il fait le soir avant d'aller dormir à 8h30 passées. Il se lève aussitôt à la lumière du soleil. De toute ma vie, je n'ai vu que des poules faire pareil. On ne le voit jamais dans les bars, les clubs ou les boîtes. Il préfère être seul car la foule lui rend les mains moites. Il n'aime pas les bagnoles, d'ailleurs il n'a pas son permis. Il roule en bicyclette sous le vent, la neige. Il est tellement taré qu'il va jusqu'à critiquer l'armée, la société, l'église et l'humanité. Dimanche, gratter la terre pendant des heures dans son carré de pelouse.